The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Thief. Le voleur. Policeman. Le policier. Joke. La blague. To do. Faire. Life. La vie. Now, a bit faster. To do. Faire. Policeman. Le policier. Life. La vie. Joke. La blague. To do. Faire. Joke. La blague. To do. Faire. Life. La vie. Thief. Le voleur. Now, use the words in context. Faire. I do my homework. Je fais mes devoirs. La vie. Life is beautiful. La vie est belle. Le voleur. It's a thief. C'est un voleur. Le policier. He's a policeman. Il est policier. La blague. It's a joke. C'est une blague. La vie. Life is beautiful. La vie est belle. Le policier. He's a policeman. Il est policier. La blague. It's a joke. C'est une blague.